qu'à Corani gagné. Si c'est ni, si c'est fond, je n'ai qu'à Corani gagné. Ibe jambin tu mine, isiri juru bebo, obin tu lela. Ibe jamba jina, mwibe tunu, obaji lela. Moga file, ni masa, ko be juru bila. Moga, ni masa, ko be juru bila. Moga e, ni masa, ko be juru bila. Moga, ni masa, ko be juru bila. Canaille fatoma, canaille fretanuma, canaille fandoma, canaille mogafle, ni massa, cobeggio rubilan, moga, ni massa, cobeggio rubilan. Yeah.